بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس هو الدرس 30 في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2014. Et ceci est le 30e cours du livre Shama'il al-Nabi, les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant d'entrer dans le cours, étant donné que nous sommes dans le calendrier lunaire le 10 du mois de Rabi' al-Awwal, et dans deux jours, une innovation qui n'a cessé de se répandre va continuer à exister malheureusement, qui est celle de la commémoration ou bien la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette occasion, il incombe aux musulmans de mettre en garde ses frères et ses sœurs, les croyants et les croyantes, contre cet acte blâmable, infondé, innové et grave, puisqu'il est considéré comme un manque de respect à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé son prophète alayhi salatu wa salam pour le suivre. Il en a fait pour nous un modèle, un exemple. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Qui veut dire: vous avez certes en la personne du messager d'Allah un modèle à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui évoque Allah abondamment. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit dans l'explication et le commentaire de ce verset: في هذه الآية وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. Il y a dans ce verset l'obligation de suivre et d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam ne cessait à chaque occasion qui se présentait de s'adresser à ses compagnons, de commencer ses paroles par wa iyyakum wa muhdathatil umur aw sharra al umur muhdathatuha. Les pires des choses sont les choses inventées. Wa kullu muhdathatin bid'a. Et toute chose inventée est une innovation. Wa kullu bid'atin dalala. Et toute innovation est un égarement. Wa min akbar al bid'a fi hadhihi al ayyam al ihtifal bi mawlid an nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Bila shak. Et sans aucun doute, parmi les plus grandes innovations répandues pendant ces jours que nous vivons et ceux que nous allons vivre, c'est-à-dire dans deux jours, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est célébrée par des gens qui sont soit innovateurs perdus et égarés, ou d'autres qui sont ignorants, suiveurs, dupés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyés pour le suivre. Et quand sa naissance est célébrée, celui qui est le plus à même de connaître le prophète alayhi salatu wa salam, c'est bien lui. C'est bien lui. Et lui-même sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fêté son anniversaire. Et Allah en a fait un prophète à l'âge de 40 ans. Il est mort à l'âge de 63 ans. Pendant ses 23 ans de prophétie, il n'a jamais célébré sa naissance sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est mort, les compagnons qui vécurent après lui, parmi les plus grands de tous les compagnons, comme Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiyallahu anil jami', qu'Allah les agrée tous, n'ont jamais célébré leur fête, ou n'ont jamais célébré cette fête, qui est celle de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est suffisant pour s'arrêter, et pour ne pas célébrer cette fête en prenant les paroles des gens égarés, égareurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Ce qui veut dire: la seule chose que je crains pour ma communauté, ce sont les imams égareurs, ceux qui prêchent à l'égarement, ceux qui orientent les croyants qui étaient sincères et qui désiraient s'instruire dans leur religion, ceux qui les orientent vers un chemin qui n'est pas le chemin qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Donc, les compagnons radiyallahu anhum ne l'ont pas fait. Nous ne sommes pas meilleurs que lui. Et la personne qui commémore ou qui célèbre cette fête ne sort pas de deux cas. Soit cette personne nous dit que ce qu'elle fait est un bien, alors nous lui disons: tu n'es pas plus savante ou savant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas plus savant que les compagnons du prophète radiyallahu anhum, et malgré cela ils n'ont pas accompli ce que toi tu cherches à faire. Ou bien tu nous dis que c'est tout simplement une coutume. Nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien plus grand et mérite un tel respect qu'il ne convient pas de faire de sa naissance une coutume. Et cette parole a été dite par le grand savant Al-Sheikh Sulaiman ibn Salim Allah al-Ruhayli hafidhahullah, enseignant dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci dit, nous nous sommes arrêtés dans le cours passé et nous avons terminé le cours passé, la lecture du chapitre concernant le jeûne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le chapitre concernant la récitation du Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre concernant la récitation du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. كيف كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وكيف كانت صفة قراءته عليه الصلاة والسلام. Comment est-ce qu'il lisait le Coran? Comment était décrite sa récitation, sa psalmodie du Coran? Et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les croyants celui qui connaissait mieux le Coran, celui qui en comprenait l'essence, puisque c'est vers lui qu'il a été révélé, celui qui le mettait en pratique dans sa totalité, celui qui savait le réciter de la meilleure façon, alayhi as-salatu wassalam. À un point où même certains parmi les compagnons sont entrés en islam après avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wasallam réciter, comme cela fut le cas pour Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, qui lorsqu'il était mécréant s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wasallam, comme le relate l'imam Muslim, pour discuter et négocier avec lui au sujet des captifs de la bataille de Badr, des prisonniers de la bataille de Badr. Quand il est arrivé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé debout à réciter dans la prière du Maghreb le Coran, à réciter Surat At-Tur, le mont, qui est le mont sur lequel Allah Azza wa Jalla s'est adressé à Moussa alayhi salam. Dans cette récitation du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ce qui veut dire, est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes ou bien ont-ils été créés? Et quand cet homme a entendu ce verset, il dit que la foi est entrée dans son cœur et son cœur s'est apaisé par la foi. Ce qui est voulu ici, c'est la récitation, la façon de réciter le Coran du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith qui est cité a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah, mais le sens n'est pas faux. Dans celui-ci, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une récitation du Coran telle que on avait l'impression qu'en même temps qu'il récitait, il expliquait l'essence du Coran. Alayhi salatu wa sallam. Il prenait son temps. il méditait les versets sallallahu alayhi wa sallam, à un point où celui qui l'écoutait avait l'impression que, en même temps que le Coran lui est récité, il lui est expliqué. Et cela se fait quand celui qui récite le Coran et passe par exemple par des versets qui parlent du paradis, il prend un certain ton sans exagération, ou bien quand il passe par les versets de l'enfer, il répète certains versets, il prend son temps et il médite. Quant à cette innovation qui est répandue dans beaucoup de pays musulmans dans la récitation du Coran, c'est celle où on a malheureusement recopié les notes musicales dans la récitation du Coran. Et dans de nombreux pays musulmans, notamment des pays arabes, on voit ces gens passer à la télé et réciter le Coran selon telle note, plus aiguë, selon telle note, ou bien plus grave, selon telle note. Toutes ces choses sont infondées, elles sont innovées. Et même si ces personnes savent réciter le Coran, ils sont dans le péché pour cette innovation qu'ils ont commise. Peu importe qui sont ces personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été envoyé pour suivre sa sunna. Et en aucun cas le croyant, combien même il aurait une bonne intention, n'a le droit de s'écarter de sa sunna et d'inventer des choses nouvelles. Donc le hadith est jugé faible, mais le sens est valable. Le hadith, عن قتادة رحمه الله قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مد. قتادة qui est un tabi'i qui a vécu avec les compagnons et qui n'a pas vu le prophète صلى الله عليه وسلم puisqu'il était mort, a interrogé Anas ibn Malik, le servant du prophète صلى الله عليه وسلم. Il l'a interrogé au sujet de la récitation du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Anas ibn Malik a dit, qala madda, c'est-à-dire avec prolongement. Ce qu'on appelle al-mad en arabe, c'est le prolongement. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wassalam récitait chaque verset et il le prolongeait. عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم il prolongeait صلى الله عليه وسلم. Et ici Anas ibn Malik رضي الله عنه nous a cité une des façons de réciter du prophète صلى الله عليه وسلم, car il en avait d'autres عليه الصلاة والسلام, comme nous allons le voir, inshallah. Mais celle qui nous a été donnée ici, c'est celle où on apprend qu'il prolongeait les versets sallallahu alayhi wa sallam, tout cela dans le but d'embellir le Coran avec sa voix. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, embellissez le Coran avec vos voix. Et embellissez vos voix avec le Coran. Et il nous dit, laysa minna man lam yataghanna bil Coran, ay yujawwid al Coran. Ne fait pas partie de nous celui qui ne psalmodie pas le Coran. Et quand nous disons psalmodier, nous ne parlons pas de chanter, mais nous parlons de réciter le Coran selon les règles connues, dites tajwid en arabe, les règles connues de récitation, qui ont été enseignées au prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, par Jibril, puis qui ont été transmises à travers les siècles à la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le croyant ne doit pas réciter le Coran comme bon lui semble. Et nous entendons, et vous entendez, les personnes qui récitent le Coran comme si qu'elles chantaient, en pensant qu'il suffit de faire une belle voix, comme si qu'on chantait, pour que cela soit bon. Pour réciter le Coran, il faut apprendre les règles de lecture. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle « takalluf », c'est-à-dire de s'imposer, de s'imposer une difficulté, d'en faire trop, de dépasser les limites. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. أم سلمة رضي الله عنها nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fractionnait sa récitation du Coran. يقطع قراءته أي يقرأ آية ثم يقطع ثم يقرأ آية ثم يقطع صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'il récitait le Coran verset par verset. Il ne liait pas les versets. Il laissait chaque verset entre chaque verset un laps de temps. صلى الله عليه وسلم. Tout cela dans le but de méditer le Coran. كل هذا للتأمل أو لتدبر هذه الآيات المباركة. Afin de méditer ces nobles versets, ces versets bénis. خاصة في سورة الفاتحة. Particulièrement pendant la récitation de الفاتحة. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a rapporté dans un hadith قدسي, une parole divine, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. C'est-à-dire, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. فَإِذَا قَالَ عَبْدِي أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ainsi, lorsque mon serviteur récite أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, قَالَ اللَّهُ حَمِدَنِي رَبِّي. حَمِدَنِي عَبْدِي. بارك الله فيك. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillah et Rabbil Alameen, Allah dit mon serviteur a proclamé ma louange. Wa idha qala al-'abd ar-rahman ar-rahim, qala Allah athna 'alayya 'abdi. Et lorsque mon serviteur dit ar-rahman ar-rahim, Allah dit mon serviteur a fait mes éloges. Wa idha qala al-'abd maliki yawm ad-din, qala Allah majjadani 'abdi. Et Allah dit, lorsque mon serviteur dit « Malik yawm ad-din », Allah dit « Mon serviteur a montré ma grandeur » il a akhir le hadith, jusqu'à la fin du hadith. « فَنَسْتَفِدُ مِنْ هَذَا أَهَمِّيَّةِ الْقَطْعِ بَيْنَ آيَاتِ الْفَاتِحَ خَاصَّةً » Et nous tirons de comme leçon de ce hadith l'importance de réciter la Fatiha verset par verset, non pas d'un coup, comme on peut l'entendre. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que il incombe aux musulmans qui récitent Al-Fatiha de s'arrêter après chaque verset et de méditer à cette parole qui est dite par Allah. يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف وقفا يتأمل ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. Donc il récite un verset puis il s'arrête pour méditer ce qu'Allah dit سبحانه وتعالى. وإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا يمكن له ذلك. Et si il récite les versets collés sans séparation entre les versets, il ne pourra pas arriver à ce but qui est celui de méditer les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran verset par verset. Et ce que vous entendez dans beaucoup de mosquées, dans beaucoup d'endroits où le Coran est récité, n'est pas la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas interdit, mais il y a un manque dans la récompense puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récitait pas les versets d'un coup. Alayhi salatu wa sallam. An Abdillah ibn Abi Qais قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. عائشة رضي الله عنها a été interrogée par Abdullah ibn Abi Qais رحمه الله qui lui demanda comment était la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'elle était en silence ou à voix haute sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha lui dit, il faisait tout cela. Certaines fois, il récitait en silence et d'autres fois, il récitait à voix haute. Alors, cet homme reprend et dit « Qu'Allah soit loué, celui qui a permis en cela une telle latitude, c'est-à-dire celui qui a fait de cette chose une chose vaste, celui qui nous a agrandi, qui nous a ouvert la porte et qui nous a facilité. Si on veut, on récite à voix haute, si on veut, on récite à voix basse. » L'imam At-Tirmidhi rahimahullah ذكر هذا الحديث في كتابه أو في جامعه مع زيادة سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. L'imam At-Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith dans son recueil connu de hadith, dans lequel il a ajouté une version authentique. Dans celle-ci, on apprend que cette question concerne la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit, c'est-à-dire la prière de nuit, alayhi salatu wa sallam. Est-ce que quand il priait, il faisait cela à voix haute ou bien en silence? Et Aïcha radiallahu anha, qui a vécu avec lui, a pu voir de lui ces deux choses. Alors elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois récitait à voix haute et d'autres fois en silence sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous disons en silence, nous ne voulons pas dire que ses lèvres étaient fermées et qu'il ne bougeait pas, comme certains le pensent, qui récitent dans leur tête pendant la prière. Cela n'est pas valable. Ce dont nous parlons, c'est que la personne bouge ses lèvres et sa langue et récite le Coran, mais en silence, à voix basse. Et alors, cet homme a loué Allah subhanahu wa ta'ala pour la facilité qu'Allah nous a donnée. Donc il convient aux croyants qui prient, qui désirent prier la nuit, de diversifier sa manière de réciter. Parfois il le fait à voix haute et d'autres fois en silence. Ainsi est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An ummi hani qalat kuntu asma'u qira'ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil-layl wa ana 'ala 'arishi. Al-'arish huwa al-firash. Donc, Ummu Hani, radiyallahu anha, nous dit, j'entendais la récitation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, alors que je me trouvais dans mon lit, qui a été appelé en arabe, al-arish. Il a été appelé al-arish, car il est élevé. Et on peut appeler ce qui est élevé, al-arish, tout comme on appelle le trône, al-arsh, li'annahu murtafi'. كذلك الفراش المرتفع يقال عنه العريش. Donc, nous apprenons de ce hadith que au niveau de la récitation, c'est-à-dire de l'élévation de sa voix, Ummu Hani, et certains savants disent que cela a eu lieu avant l'émigration vers Mecca, vers la Mecque, entendait la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était allongée. Donc, il récitait alayhi salatu wa sallam de sorte à ce que les gens qui étaient proches de lui puissent l'entendre. Mais pas trop afin de ne pas perturber les gens. Donc, il était de juste milieu dans la récitation, tout comme il était de juste milieu dans tout ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Albani rahimahullah a dit وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَكَّةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَذَلِكَ فِي صَلَاتِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. Cela a eu lieu à la Mecque avant l'émigration vers Médine, pendant la prière de nuit accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à proximité de la Kaaba. Le hadith suivant عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو فتح مكة وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. Le hadith suivant est rapporté par Muawiyah ibn Qurrah, rahimahullah, qui a interrogé le compagnon Abdullah ibn Mughaffal, radiyallahu anhu. Ou pardon, qui dit qu'il a entendu Abdullah ibn Mughaffal, radiyallahu anhu, dire qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture, sur sa chamelle, le jour de la conquête de la Mecque, en train de réciter les premiers versets de Surat al-Fath, la conquête ou la victoire, dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala dit « Inna fatahna laka fatham mubina » Nous t'avons accordé une victoire éclatante. « Liyaghfira laka Allahuma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar » Ceci afin qu'Allah te pardonne tes péchés commis dans le passé et ceux à venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans la Mecque pendant combien de temps? Pendant 13 ans. Il a vécu pendant 13 ans à la Mecque, de 40 ans à 53 ans. Ensuite, il a quitté Mecca pour rejoindre Al-Madina, où il a vécu combien de temps? 10 ans. Après ces 10 années, Allah subhanahu wa ta'ala, ou à la fin de ces 10 années, Allah lui a accordé la victoire ou la conquête de la Mecque. Il est revenu à la Mecque pour la reconquérir et pour la reprendre des mains des associateurs injustes et ingrats envers Allah, Azza wa Jal. Lorsqu'il est arrivé à la Mecque, Allah Ta'ala lui a donné cette victoire. Allah lui a révélé cette surah en chemin et qui a été révélée entière. Et dans celle-ci, Allah Azza wa Jal annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une victoire éclatante va lui être accordée. Et il faisait référence à la victoire le jour de la reconquête de la Mecque qui redeviendra alors une terre d'islam musulmane. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ces versets, sa récitation nous a été décrite par Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, qui nous dit il récitait donc et accentuait la psalmodie. Faqara'a wa radja'a. Certains disent radja'a ay raddad al-ayat. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Certains disent que il accentuait. Ils disent, c'est-à-dire qu'il répétait les versets. D'autres disent, il accentuait, c'est-à-dire qu'il embellissait sa voix. Sallallahu alayhi wa sallam wa qala akharun ay yujammil yuhassinu sawta. Il embellissait sa voix, shukran lillah, ala ni'mati fathi Makkah, afin d'être reconnaissant envers Allah pour ce bienfait qui est celui de la conquête de la Mecque. Et alors, Muawiyah Ibn Qurra, rahimahullah, lorsqu'il nous rapporte cette information, nous dit, si ce n'était, plutôt de dire, n'eût c'était le fait que les gens se réuniraient alors autour de moi, je vous aurais fait entendre cette voix, ou dit-il, cette harmonie. Donc ici, quand il nous donne cette description de la récitation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la seule chose qui l'empêchait de le faire, car il était capable de le faire, car lui-même avait une belle voix, c'était la peur que les gens viennent s'attrouper et se regrouper autour de lui. C'est la peur de la niyya. Les pieux prédécesseurs avaient peur de ne pas être sincères, avaient peur de rechercher par leurs actes l'agrément d'autres qu'Allah, ou de rechercher à plaire à autres qu'Allah. Et ils n'aimaient pas que les gens se réunissent autour d'eux. Ils n'aimaient pas être suivi par les gens. Il n'aimait pas la célébrité. Il n'aimait pas tout cela. Toutes ces choses qui sont aimées par beaucoup de musulmans ignorants, malheureusement, de nos jours. La seule chose qui l'a poussé à ne pas réciter comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la peur que les gens ne se regroupent autour de lui et alors son intention sera peut-être autre. Donc, voilà pour cette information donné par ce tabi'i rahimahullah ta'ala. Et le dernier hadith de ce chapitre, an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. عبد الله بن عباس رضي الله عنه nous dit: la récitation du Coran par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa chambre pouvait être entendue par qui se trouvait dans l'appartement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois quand il récitait, les gens qui étaient dans le même appartement que lui l'entendaient. Alayhi salatu wa sallam. Donc il récitait parfois à voix basse, des fois il élevait la voix de sorte à ce que les gens de sa maison l'entendent, non pas les gens de l'extérieur. Donc il était de juste milieu dans le ton de sa voix pendant la récitation du Coran sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le dernier chapitre, le dernier hadith du chapitre concernant la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. باب قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان بكاؤه متى كان يبكي بأي مناسبة كان يبكي صلى الله عليه وسلم وإلى أي درجة بلغ بكاؤه عليه الصلاة والسلام كل هذا في هذا الباب. Chapitre concernant les pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pleurs du prophète, c'est-à-dire sa façon de pleurer. Comment est-ce qu'il pleurait? Pourquoi est-ce qu'il pleurait? Quand est-ce qu'il pleurait? Quelles étaient les causes de ses pleurs? Et quand il pleurait, est-ce qu'il pleurait à dépasser les limites? Ou bien est-ce qu'il pleurait pas assez? C'est ce pourquoi l'imam Tirmidhi rahimahullah à citer ce chapitre. Et avant d'entrer dans celui-ci et d'en lire les hadiths, nous allons lire une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad, les provisions du retour. Dans ce livre, il nous parle des pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va nous décrire. Et vous allez voir que tout comme il était de juste milieu dans ce qu'il disait et faisait, il était de juste milieu dans ses pleurs, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: amma buka'uhu sallallahu alayhi wa sallam fakana min jinsi dhahiki, ay mithl al-dhahik, ay la yatajawazu al-had wa la yuqassir. Qala min fi jinsi dhahiki lam yakun bishahiq wa rafa'a ولم يكن بشهيق ورفع صوت كما أنه لم يكن ضحكه بالقهقهة ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل ويسمع لصدره أزيز وكان بكاؤه تارة رحمة بالميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض أي تموت وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء وبكى لما مات عثمان ابن مذعون رضي الله عنه وبكى لما كسف ماذا وبكى لما كسفت الشمس أو كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبني وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. ابن القيم رحمه الله dans ce passage de ce livre, nous cite les différents moments où a pleuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant, il nous dit, quant aux pleurs du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elles ressemblaient à ses rires. Dans quoi elles ressemblaient à ses rires? Dans le juste milieu. Nous avons vu dans les chapitres passés, un chapitre concernant le rire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu dans ce chapitre qu'il n'abusait pas dans ses rires. Et il ne se privait pas non plus de rire. Il était de juste milieu. Quant à ses pleurs, elles sont semblables à ses rires dans cette mesure. Elles étaient de juste milieu. Ainsi, ses pleurs n'étaient pas des sanglots. Alayhi salatu wa salam. Il n'élevait pas la voix pour en abuser. Et tout comme ses rires n'étaient pas des éclats de rire. Quand il riait, il n'éclatait pas de rire. Et quand il pleurait, on n'entendait pas des sanglots. Les sanglots, ce sont les cris qui sont poussés pendant les pleurs. Il dit, وَلَكِنْ كَانَتْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ ثُمْ حَتَّى تَهْمِلْ وَيُسْمَعَ لِصَدْرِهِ عَزِيزٌ. Mais il pleurait. Ses larmes coulaient, elles coulaient doucement, et on entendait dans sa poitrine le bruit qui ressemble au son que l'on entend dans la marmite en ébullition. Un certain bruit qui montrait qu'il était affecté par la récitation du Coran et qu'il était touché par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, il pleurait par pitié envers le mort. D'autres fois, il pleurait par peur et par pitié envers sa communauté, pour les soucis, les maux que rencontrait sa communauté. D'autres fois, il pleurait par crainte d'Allah. Encore, il pleurait à l'écoute du Coran. Et ses pleurs étaient des pleurs accompagnés d'amour, de vénération. Et elles étaient également accompagnées de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque son fils Ibrahim décéda, ses larmes ont coulé, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, les larmes coulent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Et certes, ô Ibrahim, nous sommes tristes de se séparer de toi. Il a également pleuré lorsqu'il a assisté à l'agonie d'une de ses filles. Il a également pleuré lorsque Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lui a récité Sourate An-Nisa et qu'il est arrivé au verset où Allah Azza wa Jal fait référence au jour du jugement dernier quand les communautés arriveront et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera alors témoin sur sa communauté. Il témoignera pour ceux qui ont obéi et ceux qui ont désobéi. Il a également pleuré quand le noble compagnon Uthman ibn Maz'un radiyallahu anhu décéda, tout comme il a pleuré le jour où le soleil s'est éclipsé. C'est-à-dire l'éclipse du soleil. Il a pleuré pendant l'accomplissement de la prière de l'éclipse, pendant l'éclipse du soleil, à un point où il se mettait à souffler dans sa prière. Et il disait, « Oh, mon Seigneur, tu m'as promis, ne m'as-tu pas promis de ne pas me châtier alors que je suis avec eux? Ne m'as-tu pas promis de ne pas me châtier alors qu'ils implorent ton pardon? Et nous sommes là à implorer ton pardon. » Il se mettait alors à pleurer. Sallallahu alayhi wa sallam. Il pleurait aussi quand il était devant la tombe d'une de ses filles. Et il pleurait aussi parfois quand il récitait la nuit le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui a été cité par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va être cité dans les hadiths que nous allons lire dans ce chapitre. Bi'idhnillahi ta'ala. Mais avant d'entrer dans la lecture de ces chapitres, il convient de corriger une erreur dans laquelle tombent beaucoup de gens dans le sujet des pleurs, notamment des pleurs pendant la prière et plus particulièrement ces pleurs blâmables que nous entendons pendant la prière de nuit pendant Ramadan, Tarawih. Certaines personnes, pendant les prières de Tarawih, se forcent à pleurer. Elles se forcent à pleurer. On entend certaines d'entre elles des sanglots. On les entend suffoquer, on les entend élever la voix, On entend certaines personnes pendant le Tarawih, quand elles invoquent Allah et qu'elles lèvent leurs mains vers le ciel, elles crient, elles hurlent, comme si qu'elles invoquaient quelqu'un qui était absent. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ses compagnons élever leur voix. Ils élevaient leur voix et invoquaient Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, doucement, vous n'invoquez pas un sourd, ni quelqu'un qui est absent, mais vous invoquez quelqu'un qui est audient, quelqu'un qui est omniscient, et quelqu'un qui est proche. إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا. Vous invoquez quelqu'un qui vous entend, qui vous voit et qui est proche de vous. فَهَذِهِ أَوْ هَذَا الرَّفْعَ لِلْأَصْوَاتِ في الدعاء وفي قراءة القرآن ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Tous ces cris que l'on entend sont blâmables et n'ont rien à voir avec la façon de faire du prophète صلى الله عليه وسلم. Et malheureusement, nous voyons après des personnes qui, après l'accomplissement de ces prières, sortent de la mosquée et vantent l'imam en disant « Qu'est-ce que cet imam est bon ? Combien il a élevé sa voix ? Vois-tu comment il a pleuré ? Comment il a hurlé ?» Alors qu'il n'a fait que contredire la sunna, alors qu'il n'a fait que de s'éloigner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai même entendu dans une mosquée, pendant l'accomplissement de la prière du Tarawih, dans un pays musulman, l'imam hurlait à un point où on avait l'impression qu'il appelait quelqu'un à des kilomètres. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'entend pas? Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui connaît le contenu des poitrines, qui connaît ce que cachent les cœurs des gens, ne t'entend pas? Pourquoi est-ce que l'on crie? Quand la personne crie comme ça, c'est comme si qu'elle pense que Allah n'est pas proche, alors il faut crier pour qu'il entende. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a corrigé ses compagnons en leur disant, doucement, vous n'invoquez pas un sourd absent, mais vous invoquez un audient proche. Donc ce n'est pas méritoire, en aucun cas, de crier comme ces gens le font quand ils pleurent. Les pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum, que ce soit parmi les compagnons et ceux qui les suivirent, lorsqu'ils pleuraient pendant la prière, des fois, ils priaient et ils pleuraient pendant des années pendant leur prière. Et les gens qui étaient à leur droite et à leur gauche ne le savaient pas, tellement qu'ils se cachaient et tellement qu'ils se retenait. Et c'est comme ça qu'elle a guidé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier chapitre de ce, le premier hadith de ce chapitre, عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء أي بسبب البكاء والأزيز هو الصوت الذي يسمع من غليان القدر. Donc Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu a relaté: je me rendis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait. À l'intérieur de son corps, il y avait un son semblable au bouillonnement d'un chaudron du fait de ses pleurs. Donc ce compagnon s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a entendu réciter le Coran, il priait. Et il a écouté. Et il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran et un son sortait de sa poitrine. Ce son ressemblait au même son que l'on entend de la marmite en cuivre remplie d'eau en ébullition. Vous voyez, vous imaginez le bruit. Saut al-Mirjal, al-Qidr, le bruit de la marmite remplie d'eau bouillie. Et on a appelé cela Mirjal parce que ça ressemble au bruit de quelqu'un qui marche. Et en arabe, les jambes, on appelle ça Rijl. Donc on a appelé Mirjal pour cette raison. Quelle est la cause qui poussait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire sortir de son corps ce son? C'était les pleurs. Les pleurs par la crainte d'Allah, azza wa jal. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? On n'entendait pas de cri du prophète, alayhi salatu wassalam. La yusma'u minhu as-siyah wa as-surah, innama yusma'u minhu sawt Al-Qidr, الذي يغلي. On n'entendait de lui que le son d'une marmite qui bouillonnait. Mais on n'entendait pas de cri ni d'hurlement. وَكَانَ أَتْقَى النَّاسِ وَأَخْشَى النَّاسِ بِاللَّهِ. Alors qu'il était la personne qui craignait le plus Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà comment doit pleurer le croyant. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان أي تدمعان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندي. L'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم me dit: récite le Coran pour moi. عبد الله بن مسعود a dit: ô messager d'Allah, je te le récite alors qu'il t'a été révélé, c'est-à-dire, tu me demandes à moi de te réciter le Coran alors que celui-ci t'a été révélé à toi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'aime l'écouter d'un autre que moi. Il aime le réciter, tout comme il aime l'écouter. Dans le premier hadith, qu'on vient juste de lire, on a comme information qu'il le récitait et pleurait. Et dans celui-ci, on a comme information qu'il l'écoutait et pleurait. Et ce sont les deux manières de méditer le Coran. Réciter et l'écouter. Donc, il dit, j'aime l'écouter d'un autre que moi. Abdullah ibn Mas'ud dit, je récitais alors la surat An-Nisa, c'est-à-dire les femmes. Et lorsque je suis arrivé au verset, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَاءِ شَهِيدًا, c'est-à-dire, et que nous t'amènerons comme témoin pour eux ou contre eux, et que nous t'amènerons, toi, ô Muhammad, ô prophète, comme témoin pour ta communauté. Donc, Allah Azza wa Jal dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَاءِ شَهِيدًا. Que se passera-t-il lorsque l'on amènera à chaque communauté un témoin et qu'on fera de toi le témoin de cette communauté? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui médite ces versets est touché, il est affecté par la scène qu'il affrontera le jour du jugement dernier. Ce qui le pousse à pleurer. Abdullah ibn Mas'ud le regarde et voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pris par ce verset et il voit les larmes couler de ses yeux sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on voit que le prophète pleurait en récitant et en écoutant le Coran. An Abdullah ibn Amr radiyallahu an qala انكسف الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع أي لطول قيامه ثم ركع ثم لم يكد يرفع رأسه لطول ركوعه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبني وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبني وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله أي إلى الصلاة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه نجي qu'à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il y eut une éclipse du soleil. هذا الكسوف كسوف الشمس حصل مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة النبوية. Cette éclipse du soleil qui est le fait que le soleil rencontre la lune, de sorte à ce que la lune se mette devant le soleil et on couvre la lumière. Et alors, en plein jour, on se retrouve comme dans la nuit. Vous avez déjà vu ça, ce qu'on appelle l'éclipse du soleil. Donc, elle n'a eu lieu qu'une fois dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la 10e année de la hijra, de l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait donc, il avait donc, la 10e année de l'hégire. Quand il a émigré, il avait 53, donc 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. C'est-à-dire l'année de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu donc l'éclipse du soleil. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença alors à prier. Il s'est tenu debout et il a prié. Mina sunna salat al-kusuf, kusuf al-shams, wa al-khusuf ay khusuf al-qamr. Fait partie de la sunna, la prière qui est dite la prière de l'éclipse. Que ce soit l'éclipse solaire ou l'éclipse lunaire. Donc l'éclipse soleil, c'est le solaire, c'est pendant le jour. Quand la lune recouvre la lumière du soleil. Et l'éclipse lunaire est l'éclipse de la nuit, quand la lumière de la lune disparaît totalement. Il y a une sunna qui est celle de pratiquer cette prière de l'éclipse, qui est accomplie en deux unités de prière, mais qui a une description particulière, puisqu'elle est composée de deux raka'a, wa fi kulli raka'a qira'atan, ruku'an, et dans chaque raka'a, il y a deux fois la lecture du Coran, c'est-à-dire que l'imam se tient debout et commence à réciter. Une fois qu'il a fini Al-Fatiha et la surah qu'il a voulu réciter, il prononce le takbir, s'incline. Ensuite, il se relève de l'inclinaison. D'habitude, ou habituellement, il se prosterne. Sauf que là, dans cette prière, il ne se prosterne pas, il recommence à réciter Al-Fatiha et une surah. Ensuite, il s'incline et après il se prosterne. Il fera la même chose dans la deuxième raka'a, c'est-à-dire qu'il y aura quatre récitations, deux récitations par raka'a, c'est-à-dire qu'il y aura quatre ruku'a, il y aura quatre inclinaisons, et non pas quatre raka'a, quatre unités de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc tenu debout, et resta dans la position debout pour la récitation du Coran, au point qu'il semblait presque qu'il n'allait pas s'incliner. Donc on voit qu'il fait partie de la sunna al-tul fi al-qira'a, fi hadhihi as-salah, qu'il fait partie de la sunna de réciter longuement pendant cette prière. Il fait même partie de la sunna de réciter pendant la durée de l'éclipse. Ça c'est ce que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'inclina. Il demeura un temps dans cette position et paraissait ne pas lever sa tête. Tellement qu'il restait longtemps en inclinaison, on avait l'impression qu'il n'allait pas se lever. Il se releva ensuite et il semblait presque qu'il n'allait pas se prosterner. Pareil pour le sujoud, la prosternation. Ensuite, il se prosterna. Sa prosternation dura un moment, si bien qu'il paraissait ne pas relever sa tête. Puis il la releva et resta ainsi, au point qu'il semblait ne pas se prosterner. Il se prosterna ensuite et paraissait ainsi presque ne pas vouloir se relever. Dans cette prosternation, il se mit à souffler et à pleurer et disait « Seigneur, ne m'as-tu point promis de ne point les tourmenter, c'est-à-dire de les châtier, alors que je suis parmi eux ? Seigneur, ne m'as-tu point promis de ne point les tourmenter alors qu'ils demandent pardon ? Or, nous te demandons pardon. » Lorsqu'il finit de prier les deux inclinations, le prophète, le soleil apparut entièrement. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il fait partie de la sunna de commencer la prière dès qu'on voit l'éclipse et de s'arrêter dès que l'éclipse se termine. Ce qui veut dire que la prière va être longue, car une éclipse dure longtemps. Il se mit alors debout, loua Allah et le glorifia, puis dit « Le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent pour la mort ni pour la vie de personne. S'ils s'éclipsent, consacrez-vous au rappel d'Allah, c'est-à-dire la prière de l'éclipse. Donc, on voit dans ce hadith que la prière de l'éclipse était longue. Mais si vous méditez bien ce hadith, vous allez voir qu'ici, il ne nous a pas cité la description qui est connue dans la sunna, hein, dans laquelle il y a 4 rak'ah. Ici, il nous en a 4 ruku'ah, 4 inclinaisons. Ici, il nous a cité que 2 ruku'ah, donc 2 récitations. C'est pourquoi certains savants ont dit de cette version du hadith qu'elle est isolée. Elle contredit les autres versions nombreuses dans lesquelles on nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en récitant 4 fois et en s'inclinant 4 fois sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait de l'air sortir de lui par crainte d'Allah et par dévotion à Allah azza wa jal. Et il pleurait, puis il disait: « Oh Allah, tu m'as promis de ne pas me châtier. Tu m'as promis. » Donc il faisait des réclamations, des invocations à Allah. En référence au verset où Allah Azza wa Jalla a dit: « وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » Et Allah ne va pas les châtier tant que tu es avec eux, et Allah ne va pas les châtier tant qu'ils implorent le pardon d'Allah. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit quant à la première: elle est disparue après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la deuxième, elle est toujours présente. Nous avons toujours l'occasion de demander le pardon d'Allah. Et plus on demande le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, plus Allah éloigne de nous sa colère et son châtiment. Et parmi les signes de la fin des temps, le fait qu'Allah va faire trembler des terres et châtier des peuples, ces peuples qui commettront des péchés sans demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a fini l'accomplissement de cette prière, le soleil s'est éclairci et l'éclipse a disparu. Alors il a loué Allah subhanahu wa ta'ala et vanté Allah ta'ala. Puis il a dit que le soleil et la lune sont des signes parmi les signes d'Allah, qui ne s'éclipsent ni pour la mort de quelqu'un, ni pour la naissance de quelqu'un. Et quand il s'éclipse, accourez au rappel d'Allah, Azza wa Jal. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pendant l'éclipse? Car lui, contrairement à nous, craignait Allah, Azza wa Jal. Et quand il voyait un des signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il avait peur d'Allah. Il avait peur que ce signe soit un châtiment de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi il accourait invoquer Allah. Et il est dit dans sa sunna que parfois quand il voyait même les nuages arriver, les gens étaient peut-être satisfaits de la pluie qui allait tomber. Quant à lui, on voyait la peur prendre place sur son visage, apparaître sur son visage. Il sortait de sa maison et faisait des va-et-vient, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens lui disaient: mais pourquoi ya Rasulallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je crains que cela ne soit un châtiment de la part d'Allah, azza wa jal. Il faisait référence à un verset dans le Coran où Allah nous parle d'un peuple qui était ingrat envers Allah et mécréant. Et quand ce peuple a vu les nuages arriver, ils ont dit: voici un nuage qui ramène la pluie pour nous, pour nos plantations. Et quand ce nuage est arrivé, ils ont été foudroyés par un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le prophète voyait ces nuages, il avait peur. Et quand il voyait l'éclipse, il avait peur sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, l'éclipse est devenue comme un moment de distraction, où on vend des lunettes pour pouvoir contempler cette éclipse est passée un moment de plaisir. Les croyants, eux, passent un moment de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ils accourent à la prière. Les croyants, eux, quand ils voient ce signe, savent que c'est un signe de la puissance d'Allah, puisqu'il est capable en plein jour d'enlever la lumière du soleil. Et tout comme il est capable en pleine nuit d'enlever la lumière de la lune, subhanahu wa ta'ala. Et dans un verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Dis, informez-moi, si Allah faisait en sorte que la nuit reste sans jamais être succédée par le jour, jusqu'au jour dernier, qui d'autre comme divinité en dehors d'Allah serait capable de vous apporter la lumière? N'entendez-vous donc pas? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dis, informez-moi, si Allah fait en sorte que le jour perdure sans jamais être succédé par la nuit jusqu'au jour dernier, qui autre qu'Allah comme divinité serait capable de vous apporter la nuit dans laquelle vous trouvez votre repos? Ne voyez-vous donc pas? وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ اللَّهُ جَعَلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Puis Allah dit ce qui veut dire, et par sa miséricorde, il vous a assigné la nuit et le jour afin que vous vous y reposiez, c'est-à-dire pendant la nuit, et que vous vaquiez, que vous cherchiez les grâces de votre Seigneur et que vous soyez reconnaissant. Donc voilà à quoi sert le soleil, voilà à quoi sert la nuit, voilà à quoi sert le jour et la nuit. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ni le soleil ni la lune ne s'éclipsent pour la mort de quelqu'un ou pour la naissance? Car les croyances qu'avait le peuple de Al-Jahiliya, le peuple d'avant l'islam, c'est que quand il y avait l'éclipse du soleil ou de la lune, cela montrait qu'une grande personne était morte ou allait mourir. Ou bien, cela montrait qu'une grande personne allait naître. Et donc, l'éclipse du soleil a eu lieu quand est mort le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, comme cela a été cité par l'imam al-Bukhari dans son recueil de hadith. Et quand Ibrahim est mort, radiyallahu anhu, le soleil s'est éclipsé, ils se sont mis à dire, le soleil s'est éclipsé en raison de la mort d'Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc levé, a pris la parole et a dit, le soleil et la lune sont deux des signes d'Allah qui ne s'éclipse ni pour la mort de quelqu'un, ni pour la naissance de quelqu'un. Alors, lorsqu'il s'éclipse, accourez au rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce qu'il veut par le rappel d'Allah ici, c'est la prière. Donc, les fausses croyances étaient tout le temps corrigées par le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons nous arrêter ici, inshallah, et reprendre samedi prochain, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.